beaucoup d'amour, mais non, on va rester quand même dans le sport. Hein, on y reviendra tout à l'heure à la musique, puisque c'est Top Chrono ce soir. On va retrouver Jean-Yves dans quelques minutes, le classement de ce rallye d'Antibes, puisque deux pilotes étaient engagés. Il y avait surtout Florian Bernardi avec sa Clio Renault. Et surtout un Manuel Guigouli aussi sur Clio Renault. Les deux Vaucusiens ont brillé dans ce rallye. Manuel Guigou finit 12e et Florian Bernardi 18e dans ce rallye. Je vais voir Jean-Yves, est-ce que lui aussi il a suivi nos pilotes vaucusiens dans ce rallye d'Antibes? Ouais, Fred, écoute, j'ai surtout suivi les résultats de Flo sur Internet pendant tout le week-end. Et il est là où on l'attendait, juste là où on l'attendait. Flo qui a fait un superbe rallye ce week-end, qui a jamais abandonné les avant-postes, que ce soit au scratch avec sa voiture, qui lui permet pas bien sûr d'aller jouer dans la cour des grands, mais en tout cas qui lui permet de bien figurer. Et puis dans cette coupe Renault, où il est présent, il est même plutôt pas mal par rapport à ce qu'il nous disait espérer de sa saison, hein, puisqu'il va régulièrement titiller le caïd de la promo Robert qui avait participé en Cédric Robert a fini 21e, hein, 18e, ouais. Florian Bernardi dans la dernière épreuve chronométrée, hein, de ce rallye d'Antibes, c'était l'Antosk Coaraz, c'est des spéciales du rallye du Monte Carlo, il faut pas avoir peur de dire ça, 17 km 330, Florian finit 14e et j'essaie de regarder un petit peu, Cédric Robert a voulu gratter quelques secondes, mais son retard était trop important puisqu'il y a mis presque 40 secondes, Emmanuel Guigou fait 7e dans cette dernière épreuve chronométrée et Emmanuel Guigou finit 12e dans ce rallye d'Antibes et Florian Bernardi 19e et 21e, notre ami tu le disais il y a quelques minutes, Cédric Robert, qui est la référence pour cette Renault Clio RS? Eh bien, il est d'autant plus la référence en fait, qu'il a participé quasiment à lui tout seul à la mise au point de cette auto. Et du coup, c'est un peu la valeur étalon dans ce championnat Clio. Là. Et c'est bon de voir Flo Bernardi capable d'aller chercher ce mec-là. Et puis capable surtout d'aller lui poser quelques dizaines de secondes sur un rallye. Ça démontre encore une fois l'étendue du talent de notre collègue Florian Bernardi. Et qui doit être, si je me trompe, dans ce challenge, il doit être le leader ce soir. Il faudra bien regarder avant de l'affirmer, parce que je n'ai pas encore fini tous mes résultats, certes, mais il me semble que Florian est peut-être proche. En tout cas, s'il n'est pas leader, il doit pas être très très loin de la place de leader. Mais effectivement, il avait fait un excellent résultat au Touquet en début de saison. Et puis là, ce résultat au rallye d'Antibes avec, tu le répètes, Fred, des spéciales un peu connues. Il y avait le Turini aussi au programme, me semble-t-il, pendant au programme de ce rallye. Alors on va voir si tu as bien suivi, puisque je suis en train un petit peu de regarder. Il y avait l'Antosque, il y avait Braun, il y avait Pereira Carval, Col du Turini, exact, épreuve, c'était la preuve numéro 13, 18 km 430, c'est là, c'est carrément le rallye du Monte Carlo, on l'a retrouvé le dimanche matin, hein, puisque deux fois, fallait le parcourir, hein, ce fameux Col du Turini, la Bolène, hein, Visubi, ouais. Voilà, c'est vraiment le rallye du Monte Carlo, c'est une spéciale qu'il connaît très bien, Florian, puisqu'il était ouvreur sur le rallye du Monte Carlo pour un équipage, hein. Il faut savoir qu'il a parcouru plusieurs fois cette spéciale, ce qui lui permet aussi d'avoir un repère sur ce rallye, un très très très beau rallye, on est très fiers de le revoir, ce rallye d'Antibes, revenir dans le giron de l'élite du rallye français. Ouais, et puis on est surtout, encore une fois, très fiers et très contents de voir Florian qui revient sur une saison complète dans ce challenge Clio. Et puis qui figure bien. Il avait quelques doutes en début de saison quand on l'avait interrogé. Manifestement, ses doutes sont levés avec son coéquipier Castex. Là. Il faut une belle équipe et il faut surtout du très très bon boulot. J'étais en train d'essayer de regarder, j'ai pas vu le classement, mais effectivement, il me semble qu'il doit être premier ou second de cette coupe Renault. Espérons que ça continue comme ça en tout cas. Voilà, ça sera tout pour le rallye ce soir. C'est vrai qu'on aura bien sûr un œil tout averti sur Florian Bernardi, puisque la suite du championnat nous donnera peut-être raison. Et s'il venait, pourquoi pas, à devenir champion de France de Clio Renault dans sa catégorie, ce qui lui permettrait bien sûr de voir, on va dire, l'avenir beaucoup plus rose. Tiens, qu'est-ce qu'il y a en espérons-le, espérons-le, en tout cas. Il en prend le chemin. Maintenant, la saison est encore longue, puisque il me semble qu'il y a 6-7 épreuves dans ce championnat, et on n'en est qu'à la seconde. Mais en tout cas, il a d'ores et déjà montré qu'il savait rouler. On se rappelle, hein, il y a 2 ans, avec l'Opel, qui était une petite auto. L'an dernier, il avait brillé au Var avec une auto un petit peu plus grosse. Et à deux ou trois reprises, il s'était mis en évidence. Et bien, cette année, il est là où on l'attend. Et félicitations à lui, tout simplement. Voilà. Top chrono. Motoball. Allez, on vient un petit peu sur le résultat du Motoball, puisqu'il y avait des matchs qui se jouaient. Monteux était exempt. Monteux attend Neuville pour un match explosif le week-end prochain, samedi soir, du côté des confines, puisque Neuville est leader à l'heure actuelle. Il y avait des matchs qui se déroulaient hier soir en Elite 1, puisque Camaret recevait Valréas. On s'est quitté à 5 buts partout. Voilà un match qui devait sentir la poudre, puisque Camaret a annoncé clairement cette année le titre. Eh bien, on peut dire que déjà, ils ont trouvé un ogre en face d'eux. C'est cette équipe de Valréas qui leur a sûrement posé un petit peu des problèmes, Jean-Yves, non ? Ouais, cette équipe de Valréas qui a posé des problèmes à Camaret pendant tout le week-end. Pardon Jean-Yves, ouais. Il faut que je me reprenne, puisque je suis en élite 2 là, messieurs. Je me suis trompé. Exact. Oui. Exact. C'est... Camaret qui a subi la loi de Valréas en élite 2. Oui. Puisqu'ils ont été défaits sur leur terrain au stade municipal sur le score de 7-2. Tout à fait. Face à cette équipe de Valréas. Alors on sait que les joueurs de l'enclave sont en train d'essayer de se restructurer pour essayer de remonter rapidement en élite 1. Une place qu'ils auraient, d'après moi, pas dû quitter il y a 3 ans maintenant. Mais voilà, cette équipe de Valréas qui a recruté encore cette année, qui s'est structurée. Et puis pourquoi pas les revoir rapidement à très haut niveau. En tout cas, Camaret qui a éprouvé des difficultés sur son terrain face à cette équipe. En élite 1, eh bien, Neuville recevait 3, 5 partout. Voilà le score, le vrai score de match qui a dû être vraiment explosif. C'est le premier contre le second. Deux grosses équipes qui seront bien sûr aux confines le week-end prochain, puisque cette équipe de Monteux, les fameux Jaguars, recevront Neuville. Le coup d'envoi sera à 19h du côté des confines. Et Neuville qui affrontait un petit peu son second, eh bien, ils ont gagné. Ils se sont quittés sur un match nul à domicile face à cette équipe de 3-5 partout. Les autres résultats, on va continuer. Carpentras qui recevait Olgat, pas de détails. 3-1 pour cette équipe de Carpentras. Et l'équipe de Camaret qui se déplaçait du côté de Vaugecourt, puisqu'on parlait de l'élite 1, ils ont gagné 6-3. Vaugecourt est déjà dans le duel. Et Fred, puisqu'on parle de motoball, je voudrais tirer un coup de chapeau à notre ami Thierry Lafont, l'entraîneur de champion de France avec Monteux la saison dernière, qui a trouvé refuge du côté de Rodion et qui fait un excellent début de saison avec son nouveau groupe de Rodion et qui arrive à les transcender au point de voir cette équipe de Rodion qu'on a annoncé quasiment moribonde à la fin de la saison dernière faire un énorme début de saison, puisque je crois qu'ils ont enchaîné les bons résultats et on les retrouve dans le trio de tête de ce championnat de l'élite 2. Oui, puisque c'est Valréas qui est leader à l'heure actuelle. On retrouve Nuit Saint-Georges, ça c'est pour l'élite 2. Et bien sûr, Robion est troisième, tandis qu'en élite 1, on va dire un petit peu le classement de cette élite 1 après cette deuxième journée, me semble, de championnat. On retrouve... Deuxième ou troisième Troisième, peut-être. Troisième. En tout cas, le début de saison de cette équipe de Robion est en partie à mettre à l'actif de Thierry. Je sais que sa modestie va en souffrir, mais voilà, c'est un entraîneur de grand talent et on ne devient pas champion de France d'élite 1 par hasard. Et ben voilà, il montre encore une fois l'étendue de son talent à la tête de cette équipe de Rogue Lyon. Mais on est frères d'armes dans une autre discipline tous les deux. Et c'est pour ça qu'on l'appellera et on n'aura pas de soucis. On l'aura ici sur les micros de Fly FM juste avant la fin de la saison pour savoir comment la saison en Elite 2 se termine. Je vous donne le classement d'Elite 1 et on va vite refermer la page puisque... On va te quitter encore une fois, Jean-Yves, puisqu'on va avoir le magazine Horizon. Juste après, je vous dis tout, vous êtes en direct sur Fly FM. À côté de nous vient d'arriver Gilly, le président de la foulée des Sept Rivières. Transmets il va nous parler... mes hommages. Pardon ? Transmets-lui mes amitiés à M. Olivier Gilly. Voilà, juste pour terminer, je vous rappelais quand même le classement d'Elite 1. On était bien en motoball il y a quelques secondes, on va y revenir. Pour vous dire que Neuville est leader avec 14 points. On retrouve 3 avec 10 points. Carpentras est 3e avec 10 points. 4e, Camaré avec 7 points. 5e, Vaugecourt avec 7 points. 6e, Monteux avec 6 points. Et bon dernier, 7e, Olgat. Je peux vous dire que le week-end prochain, l'avenue de Neuville à Monteux va avoir un pesant d'or. Et même un écho retentissant. Voilà, c'est terminé pour le motoball. Ce soir, puisqu'on reviendra dans quelques minutes avec l'athlétisme, avec notre ami Gilly, comment tu vas ? Très bien, bonsoir à tous. Bonsoir, on va le retrouver dans quelques minutes. Mais maintenant, on retrouve Marie. Marie qui est arrivée avec un dossier, carrément, je peux vous assurer. Une valise, il y avait 3 routes tellement qu'il y en avait pour ce soir. Des belles dates, prenez vos calepins. Passez un moment agréable et surtout notez tout ce qu'elle va vous dicter. Bonsoir encore une fois Marie. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, avec le beau temps qui s'annonce, eh bien, il y a plein de sorties. Alors je vous annonce pour le 20 mai, tout d'abord le samedi, il y aura le premier équidène des tours à Château-Renard. Donc je vous cite Château-Renard, en général on reste sur le Vaucluse, mais c'est dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est tout à côté, c'est pour ça que je le cite. C'est une course pédestre. Ah non, moi j'ai le 20. L'équidène samedi. Ah ben alors ils sont trompés, excusez-moi alors. J'annonce une mauvaise date. L'équidène de Château-Renard. C'est ça. Oui, tout à fait. Le samedi 20 mai, ils ont annoncé. Tout à l'heure, on appellera vite l'organisateur. Voilà, c'est bien dit, j'annonce, tu fais de la radio et tu parles dans le casque, c'est quelque chose de nouveau. Non, mais je vais écrire à Esprit Course qu'ils ont leur calendrier qui est un petit peu fou. Ouais, c'est Esprit Course qui a fait. Voilà. En plus, c'était le partenaire. Eh voilà. Franchement. Tout en direct. J'espère que ce que je vais annoncer, ça va pas être passé aussi. J'espère. Bon, la 10e édition, dimanche 21 mai, la 10e édition du Trail du Grand Luberon à Cabrières-d'Aigues. C'est un côté course avec deux nouveaux parcours. La course phare, un 26 km avec 1800 mètres de dénivelé, avec de beaux singles sur le flanc sud, un passage aérien dans une zone très sauvage, puis un fond de ruisseau. Une première partie de course technique avant d'attaquer la montée sur les crêtes du massif du Grand Luberon. Point d'orgue des éditions précédentes, une véritable partie de yo-yo vous est offerte pour le plus grand plaisir des yeux. Une fois passé le Mour-Nègre, sommet du massif, une descente ultra rapide qu'il faudra bien gérer pour garder quelques forces pour la dernière partie sur un single assez caillouteux et des petites bosses qui feront sûrement mal. La deuxième course, ce sera un parcours de 15 km avec 720 mètres de dénivelé, avec un début commun à la première course, mais ne montera pas sur les crêtes. Il permettra aux trailers moins aguerris d'avoir de bonnes sensations sur les singles et de beaux panoramas sur le piémont forestier du massif. À l'arrivée, l'après-course sera encore plus belle pour fêter ce 10e anniversaire, apéro, repas et musique festive. Toujours dimanche 21 mai, ça va être l'objet du prochain focus avec Monsieur Gilly qui est un invité. C'est la 13e édition de la Virade dans les Vignes à Bédaride, organisée par la foulée des Sept Rivières et la Virade des Filles. Hein ? La 10e. Non. Ah ben, moi j'ai la 13e. Ils sont plantés. Eh ben, Esprit Course. Voilà. Il va falloir leur dire que ça va pas du tout ça. Hein. Heureusement qu'on a un professionnel à côté. On va se faire payer cher. Non mais franchement. Non, on va en parler dans quelques minutes sur ces petites erreurs. Tu fais de la pub à Esprit Course. Et il se plante, c'est nous qui reprenons. Allez, on continue, messieurs. Mais bon, elle a lieu, celle-là, elle n'est pas passée. Donc vous pouvez y aller, ce sera dimanche 21 mai avec un 12,5 km et un 6,5 km. Toujours dimanche, si vous préférez aller courir avec quelque chose d'un petit peu plus moins... Ouais, non, c'est un 12 km et un 29 km, ce sera à Pujot dans le Gard avec la première édition de la Pujot Trail. Il vous propose un parcours pour les initiés de 12 km avec 200 mètres de dénivelé et pour les experts, 29 km avec 800 mètres de dénivelé. Si vous préférez du VTT, eh bien moi je peux vous proposer le samedi toujours avec le 20 mai, la deuxième randonnée VTT du Ventabrin à Kéran. Ou alors dimanche, la 16e édition de la randonnée VTT La Caritou à Flassans, avec 4 parcours, un 15, un 25, un 35 et un 45 km. Et enfin, je vais finir en beauté avec la rando bistrot. Ça, c'est fort. Alors, on l'attendait, ça. On va finir avec la rando bistrot, puis après, on viendra avec une autre manifestation. Alors, ce sera samedi. Et c'est le bistrot du pays Les Acacias qui se trouve sur Uchaud, qui vous propose une rando bistrot inédite sous le signe du fromage de brebis au programme. Au départ de la ferme, nous rencontrons notre guide Christine. Chemin faisant, à travers champs, forêts et petits hameaux, elle distille ses petits secrets sur la botanique et le patrimoine au gré des découvertes insolites qui ponctuent le chemin, ici et là, de la végétation méditerranéenne, une chapelle du XIIe siècle, une vue splendide sur le Castellas du Chaud. Après l'effort, bien sûr, le réconfort, à l'ombre des arbres, nous quittons la piste forestière pour un sentier qui nous amène tout droit vers le bistrot de pays du Chaud. C'est aux Acacias, bistrot d'Agnès et Céline, que nous mettrons alors les pieds sous la table avec un menu qui annonce la suite du programme, fromage de brebis de l'entrée au dessert. L'après-midi, direction la Jasse de Durby, où André Latour nous accueille pour nous faire partager sa passion pour les brebis, bien sûr. Ici, la qualité, on en fait tout un fromage. Du fourrage utilisé pour nourrir les brebis jusqu'à l'affinage, rien n'est laissé au hasard. Au menu, brousse de brebis de la Jasse de Durby aux herbes fraîches, steak de thon, légumes confits et ripilés, cheesecake au fromage frais de brebis de la Jasse de Durby, vin et café. Tout ça pour un tarif de 32 euros pour les adultes. C'est magnifique. La seule chose, dont j'étais en train de me poser la question, après le repas, est-ce qu'on aura la force de repartir? Parce que des fois, le breuvage des repas très alléchants fait que la tête tourne un peu. Est-ce que je peux me tromper, non? Tout à fait, puisqu'en plus, ils finissent avec leur liqueur, là, de la farigoule, donc... Allez, on va essayer d'avoir Patrice Bench parce qu'il y a une belle initiative en Avignon qui va se dérouler avec le SAP d'Avignon, ça veut dire avec le club de basket. Je croyais que Marie, tu étais au courant de cette belle initiative sportive qui va se dérouler ce week-end. Et nous allons voir Patrice Bench, vous vous souvenez, notre monsieur foot. Avec lui, bien, on était, on va dire, tous les lundis soirs dans l'actu du football et surtout rendez-vous un petit peu avec le club. Eh bien, on va voir un petit peu comment va Patrice. On le retrouvera, Patrice Bench, sur les antennes de Fly FM dans quelques jours. Il viendra, dans quelques lundis, il viendra nous parler un petit peu de la saison qui s'est déroulée dans tous les clubs de district Rhône-Durance et savoir ce qu'il en est, un petit peu des rouages et de ce qui va se passer en actualité interne puisque la fin de saison va sonner. Il reste encore, je crois, 2 journées de championnat et c'est déjà terminé pour le football puisque on est proche. On n'a toujours pas Patrice. On essaiera de le retrouver tout à l'heure aux alentours de 19h30-31 dans 2-3 minutes. Marie, est-ce qu'on a été complet dans ce magazine Horizon? Ah oui, j'étais complète puisqu'on a commencé par l'effort et ensuite par le réconfort. Donc ça y est, moi, j'adore le réconfort. C'est vrai qu'un jour ou l'autre, il faudra mettre nos beaux t-shirts, mon cher Didier Bougon. Oui, tout à fait. Mais par contre, moi, j'aurais du mal pour l'après-midi. Ouais, ouais. Moi, cette troisième mi-temps, je pense que je risque de piquer les nez et de m'endormir. Hein. Avec un repas comme ça, là. Merci, Marie, pour ce beau magazine Horizon. La suite. Top chrono, athlétisme. Et si on mettait la belle, le beau magazine Focus en route? Starting block, en marche. Ce soir, eh bien oui, restons dans l'athlétisme, car vous venez d'entendre le jingle qui nous rappelle qu'on est bien dans l'athlétisme. Bibi Bougon est avec nous, il nous parlera bien sûr de l'actu du jour, mais surtout, c'est Olivier Gilly, le président dynamique de cette virade de Bédaride, qui a pris une tournure un petit peu plus importante cette année, avec un nouveau livre, avec des sponsors qui ont aidé à l'élaboration de cette belle course. 12e du nom, et oui, déjà 12 ans, qu'a été lancée cette virade dans les vignes. C'était plutôt culinaire, il n'y avait rien à gagner. Cette course était une course lebda, mais aujourd'hui, cette course fait partie du calendrier départemental. Elle a maintenant un relief pas du tout le même qu'à sa création. Des grands sportifs et des coureurs de haut niveau viennent s'affronter dans cette virade de Bédaride. Et aujourd'hui, encore une chose nouvelle, on va faire que les filles vont courir un 6,5 km. Tout à fait, ouais. C'est la dernière course, mais la virade des filles, je sais que ça te trottait dans la tête depuis un certain temps, et puis ça va être lancé donc dimanche, hein, Olivier. Oui, tout à fait, c'est la nouveauté de cette année. Bonsoir, Olivier. Alors, on va un peu rentrer dans le vif du sujet. Y a-t-il une tenue spéciale pour cette course féminine? Non, du tout, non, non. Ça reste basique. Oui. D'accord, ok. Alors, premier départ. Donc 9-15 pour le challenge vauclusien, le 12,5. 12,5. 9-30, la virade des filles. Super, super. Là, ça va lancer, puisque ça va nous permettre aussi de voir à quel niveau aussi d'augmenter le nombre de participants et de participantes. Hein. Mais aussi, cette 12e édition, ça veut dire que ça annonce encore pour les années prochaines, peut-être quelque chose, pas une surprise, mais oui, au niveau beaucoup de dynamisme. Beaucoup oui, de dynamisme. Hein. Oui. Ouais. On en a besoin aussi. Hein. C'est ce qu'il faut aussi au niveau projets, de... Bien évidemment. D'accord. Et revenons-en aussi à toi, puisque 12e édition, ça veut dire combien de temps que tu es au sein du club, de la présidence? J'attaque la 5e année. Ça fait déjà... Oui, c'est pas mal, oui. C'est plus qu'un mandat de maire, hein, c'est à peu près le mandat de maire. Hein. Oui, tout à fait. Bon, oui. Parlons de maire, restons un petit peu dans la course. Olivier, une petite question qui reste quand même très d'actualité, puisqu'aujourd'hui, toutes ces courses amènent bien sûr de la convivialité, de la sportivité, puisque on va dire que Mounir Yemouni fait partie un petit peu des personnages qui viennent courir dans cette course. On va dire sportif de très haut niveau, puisqu'il a fait les JO, je me trompe. Ouais, alors là, je ne sais pas s'ils seront là. Peut-être lui. C'est le tour c'est les interclubs. C'est le premier tour. Avant, il y avait deux tours. Maintenant, les clubs qui sont en National 2, en promotion ou en honneur, leur premier tour se fait troisième semaine de mai. Alors ça, c'est pas un problème, président Gilly, de programmer cette course aujourd'hui, qui est confrontée un petit peu avec des courses de la Fédération française. On dit qu'un jour ou l'autre, on va se pencher un petit peu sur le problème des dates pour pouvoir écarter toute manifestation hors cadre Fédération française d'athlétisme. Bon, un problème en soi, nous on reste au niveau local, hein, Bédaride reste la virade avant tout. Après, bon, moi ça ne me gêne pas outre mesure. Hein. Oui, parce que c'est un sujet qui avait été abordé avec le président et surtout Jean-Pierre Bouix, qui avait été dit de revoir un petit peu le calendrier pour ne pas occulter des courses à travers la Fédération française d'athlétisme, parce qu'aujourd'hui, les clubs de Fédération française d'athlétisme pêchent un petit peu. C'est vrai que ce soir, c'est dommage qu'on parle un petit peu de ce sujet, en aparté ici. Hein, c'est assez pointilleux aujourd'hui de remettre en question les petites courses qui sont organisées par des bénévoles, qui donnent le maximum. Mais aujourd'hui, il va falloir articuler pour que tout le monde y retrouve un petit peu son compte, parce qu'il y a des coureurs qui ne sont pas frustrés de ne pas participer à la virade, quand ils connaissent un petit peu l'organisation, comment ça se passe, ce petit repas, ou cette petite collation qui, après la remise des trophées, l'engouement qu'il y a au niveau des bénévoles, et surtout des présidents comme toi, Olivier, qui sont dévoués à organiser des courses magnifiques, des coureurs qui font partie un petit peu du giron, de la Fédération française d'athlétisme aimeraient peut-être participer, mais leur calendrier les empêche. Et là aussi, ça pénalise beaucoup de monde dans cette histoire, non ? Oui, tout à fait. Mais même à la lecture du calendrier des courses départementales du Vaucluse, tu te rends compte que je ne suis pas le seul. Hein. Non, c'est bien pour ça. Énormément nombreux d'organisateurs. On est un petit peu les uns derrière les autres, en fonction un petit peu des mois. Notamment, bon, janvier, février, c'est relativement calme, mais après... C'est complet. Hein. Ça y met aussi une difficulté. Hein. Ouais, quand on voit qu'à partir du mois de mars, mois d'avril, c'est à la queue leu. Des fois, ça peut être deux courses ou trois courses le dimanche. Ou sinon, c'est une course le samedi et une course le dimanche ou deux courses le dimanche. Est-ce qu'il ne faudrait pas, Didier, qu'on soit un petit peu plus draconnier avec des courses à l'usage? C'est vrai que tu le résumes bien, mais maintenant, il y a tellement de gens qui veulent organiser leur trail. Leur trail ici, à droite, à gauche, que bon... l'athlétisme, tu parles à des gens, tu leur dis, oh bon, c'est un trail, oh, mais ouais, c'est dans mon terroir, basta, moi je veux organiser ma course. Après, il y a un terrain d'entente qui se fait avec le comité d'organisation des courses hors stade du département du Vaucluse. Et chacun essaie d'en mettre un peu de son côté. Le président que tu connais, qui est le président du club de Cavaillon, essaie d'atténuer les choses et de faire plaisir à tout le monde. Et ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Oui, parce que tu nous jettes un petit peu de l'huile sur le feu en en avant cette interrégion qui reste quand même une course de la Fédération française. Tu sais, mon attachement que j'ai à l'athlétisme. Ouais. Et quand je vois ça au milieu, je me dis... Bah, c'est le Ponté, et je crois le Ponté, quand National 2 va faire les interclubs, et pas très tôt, ils vont à Aubagne. Ensuite, les clubs qui sont en honneur et en promotion vont à Orange. Cavaillon, je ne sais pas s'ils sont à N2, ils risquent d'aller, je crois bien, à Aubagne, je pense, également. C'est des seniors aussi qui suivent, il y a tout le monde. Oui. Alors, c'est-à-dire que dans les interclubs, tu peux quand même mettre un cadet ou deux. C'est un trou, parce que ça résume l'athlétisme, c'est toutes les, disons, les disciplines confondues de l'athlétisme où il faut avoir, en National 2, il faut avoir deux personnes par discipline. Donc, ce qui n'est pas évident. À la perche, il faut que tu aies deux personnes à la perche, sinon, t'en as qu'un et après, c'est un zéro. Et un zéro, si tu peux limiter la casse en faisant 100 ou 200 points, c'est toujours ça de prix. Hein. Donc, faut tirer dans les fonds du tiroir pour essayer de trouver des athlètes. Alors, ça peut être des cadets, comme ça peut être des vétérans. Moi, on m'avait proposé au pontier, on m'avait dit, tu veux pas faire la marche? Alors, la marche, bon, j'aime bien la regarder à la télévision, mais la pratiquer, c'est pour desservir ce club. Donc, je sais qu'un de ces quatre, je vais faire de la marche athlétique, peut-être pour le pontier, d'ici l'année prochaine. Cette année, j'y vais pas. Cette année, je serai à Bédaride. J'ai dit à Olivier que je serai là. Allez, on va voir Jean-Yves qui va revenir, hein. On va aller le chercher du côté de Brest, puisque on a mis le bateau à l'eau et dans quelques minutes, avec la voile, on devrait à nouveau le voir avec son corne de brune venir dans cette émission nous parler avec Olivier Gilly. Olivier, parlons un petit peu de cette course, cette organisation, comment ça s'articule, les bénévoles, le budget, comment ça se passe. Ah ben écoutez, une organisation de course se prépare, il y a 7 mois de travail si on veut la faire correctement et sérieusement. Ce qui n'est pas évident, c'est que moi je suis passé par là et j'avais une de mes pièces qui était remplie de coupes. Tu mettais les pieds, tu ne savais plus où marcher en mettant les coupes pour tout le monde, hein, aussi bien les jeunes jusqu'au master. Hein. Donc il y a ça. Ensuite, c'est vrai qu'il faut que tu sollicites les commerçants pour trouver les récompenses. Ensuite, maintenant, c'est devenu encore plus lourd, c'est que sur le plan administratif, au niveau de la préfecture, tu as un dossier qui se fait en 6 ou 7 exemplaires. Relativement conséquent, le dossier, d'ailleurs. Hein. Ouais, le problème, la difficulté aujourd'hui, Olivier, c'est très sérieux, quand il y a des gens qui décidaient de venir faire la virade et qui partent à Brest, qui ne peuvent pas venir, comment on fait? Exercice, ils prennent l'avion. Ça, c'est pas un mot d'excuse, honnêtement. Est-ce qu'il est là, Jean-Yves? Oh, Jean-Yves. Jean-Yves, tu as préféré couper la ligne parce que tu te sens pointé. Tu parles de quelqu'un en particulier, Fred? Il me semblait qu'il s'entraînait parce que la nuit, il y a plusieurs personnes qui se sont manifestées, Didier Bougon. Oui, est-ce qu'il est là, notre ami Jean-Yves? Eh oui, il est là. Bon, voilà. Alors le problème, revenons très sérieusement, parce que là, c'est un dossier qu'on vient d'ouvrir au niveau de la virade, puisqu'il avait été signalé par des personnes que la nuit, il y avait quelqu'un qui courait avec une lampe autour du stade pour se préparer pour la virade. Et il est parti à Brest, et du coup, il ne pourra pas assister à la virade. C'est pour ça qu'on se pose la question ce soir. Il rentre quand même pour être présent à la virade, pour pouvoir, si ce n'est la courir, au moins y assister. Vous avez un tour de 11h30, bien sûr, pour la remise des prix. Donc je ne pourrais pas la faire, mais notre ami Olivier Gilly a fait en sorte que je ne la fasse pas cette année, puisque je voulais courir le 6h30, mais il l'a supprimé de son programme. C'est vrai ça, Olivier? Oui, on va dire que la virade, le 6h30, la virade des filles est uniquement pour les filles. À part. Et oui. C'est bon. Après, ça veut dire que les gros costauds avec des gros poils, ils n'ont pas le droit de passer à deux courir. Exactement. Ouais. Ah ouais, d'accord. Il n'est pas impossible que je me déguise et que je me mette une perruque pour venir courir la virade des filles, mais c'est. Voilà. On verra dimanche matin. Tu as très bien parlé, Jean-Yves, parce que tu as ouvert une belle brèche. Pourquoi avoir éliminé le 6 km/h? C'était nuisé par rapport à la grande course? Non, pas du tout. On avait envie on avait envie un petit peu de refaire une course et puis de relancer un peu ce 6,5, mais un peu différemment. La virade des filles est associée, et ça je tiens à le souligner, au foyer Amado de Carpentras. C'est une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Donc j'y avais mis un point d'honneur, et en parlant tout simplement et en revenant sur le déguisement, je trouvais que pour ma part et pour M. Coudert qui est le président, ce fut très mal placé que des hommes, tout simplement, se déguisent en femmes, au regard de cette cause. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis, Olivier. D'abord, tu sais, pour en avoir parlé avec toi, l'attachement que j'ai et l'admiration que j'ai pour ce genre d'opération. Bravo de donner un coup de main à une association qui lutte pour ce genre de cause. Et bien sûr, je ne vais pas venir me déguiser dimanche. Par contre, le fait d'avoir supprimé le 6,5 de ton programme, est-ce que ça risque pas de t'enlever des participants et de nuire un peu à la participation grandissante de ton épreuve? Oh, sincèrement, je ne pense pas, hein, puisque le 12,5 quand même prime sur le 6,5. Le 6,5, encore une fois, la petite virade, c'était une course mixte et sans classement, voilà, prédéfini. Le 12,5, quand même plus important, est inscrit au challenge vauclusien. Le 6,5 était, dirons-nous, une option toute simple, une ouverture, comment dire, pour les gens qui commencent. Qui débutent. Exactement. Mm-hmm. Ouais, c'est justement parce que, alors, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je fais partie de ces gens qui débutent, et du coup, c'est un peu frustrant à la limite de ne pas pouvoir courir dans son village et de ne pas pouvoir participer à cette fête, et même si, encore une fois, ça, c'est au profit d'une belle initiative, mais peut-être que l'idée de remettre le système l'an prochain, en plus de la virade des filles, dans une autre course, ça serait alors, quelque chose de sympa. Jean-Yves, juste pour rebondir sur ce que tu es en train un petit peu d'analyser, là peut-être Didier va revenir avec moi, et surtout Olivier Gély. Rappelons-nous quand même que la virade, même que le faisait 12,5 km, au départ c'était une course sympa. C'est qu'on courait à son rythme, on était là pour partager un morceau de gras, on va dire, excuse-moi d'employer ce terme. C'était un petit repas à la fin de la course, c'était un moment de convivialité, il n'y avait pas de course à calendrier. C'est vrai que au fil du temps, c'est devenu la championnite, mais aujourd'hui on court pour le challenge. C'est vrai qu'on a changé un petit peu le fusil d'épaule. Ce qui permet pas à certaines personnes d'y participer parce que elles vont arriver très loin et elles vont être distancées très rapidement. Moi, je rejoins un peu ton approche, mais sache que quand même le 12,5, nous sommes autour de 130 de dénivelé. Donc, entre guillemets, elle est accessible. Ah, mais c'est sûr. En termes de dénivelé et d'effort, si on s'entraîne un petit peu, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir la finir. C'est pour toi, Jean-Yves. Ouais, bah écoute, moi je suis pas vraiment dans cet esprit-là encore, enfin pas en tout cas pour cette année. Encore une fois, je parle en mon nom, mais aussi au nom de plein de gens qui courent pour se faire plaisir, qui n'ont pas nécessairement 12 bornes dans les jambes, même si c'est du plat. Il y a des gens qui courent le dimanche, qui courent entre 7 et 8, voire 10 kilomètres, et qui n'ont pas forcément un 12,5 dans les jambes. Et alors je sais, pour en avoir parlé avec toi, Olivier, et pour en avoir entendu parler à quelques reprises, que ça gêne un peu certaines personnes, dont moi, pour ne rien te cacher, mais il y a plein de gens qui n'ont pas nécessairement envie de s'engager sur le 12,5, qui ne les ont pas forcément dans les jambes, et qui auraient peut-être aimé pouvoir participer d'une manière ou d'une autre à cette fête de la course à pied dans le village. Mais très bien, je prends acte donc de ton impression. Alors vous savez que à Fly FM, on a un esprit très ouvert, on est très, on va dire, convivial, et il est en train de me dire que tu t'appelles que Jean-Yves, tu t'appellerais Kick and Boy ou Box Berger, on aurait fait l'effort de faire 6 km de vie. Non mais, plaisanterie mise à part. Non, je plaisante, oui, tout à fait. C'est sûr. La course à pied, c'est problématique. Moi, en tout cas. Pardon ? C'est problématique pour les organisateurs de pouvoir contenter tout le monde, c'est toujours pareil, oui, on a toujours malheureusement des défections. Mais la plus belle chose, c'est ce que tu as rappelé en tout début de ton intervention, c'est le fameux 6 km, avec bien sûr cette course pour les filles et cet argent qui va être récolté et qui va être donné, j'imagine, à la fin de la course à cette association Éologie. Oui, tout à fait, cet argent, donc sous forme de dons, bien évidemment, sera redistribué et donné à M. Couder, le président du foyer Amado de Carpentras. Ce n'est Pardon. Ça que ça a permis de mettre un coup de projecteur sur, sur ce foyer que peu de gens connaissaient avant, de, avant qu'on en parle, avant que, qu'il soit associé à la virade. Voilà, c'est bien de pouvoir faire ça. Juste une dernière question, Olivier, est-ce que la virade des filles a vocation à toujours aider la même association ou tu vas tourner et tu vas aider d'autres, d'autres causes féminines les années suivantes? Moi, je pense que bon, c'est un cours d'études. Hein. Pour l'instant, nous sommes basés sur le foyer Amado, mais il n'est pas exclu non plus de pouvoir aider une autre, enfin, aider, supporter une autre cause telle que le cancer, hein, donc le cancer comme il se définit, mais au sujet des enfants. Bien évidemment, je me pencherai peut-être du côté de l'hôpital d'Avignon et je sais qu'il y a des associations de papa et de maman qui sont dans la difficulté quand leurs enfants sont, sont malades du cancer. Alors, on va rebondir juste avant que Didier Bougon reprenne, Jean-Yves, on va rester avec Olivier, parce que j'ai beaucoup de questions à y poser. Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans cette virade, puisque la virade, aujourd'hui, se structure, puisque je suis bien sûr un commerçant, moi aussi, et j'ai vu arriver des gens qui sont venus collecter pour pouvoir améliorer la course. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a des prix à gagner, il y aura des remises de prix très importantes, il y a une structure financière qui devient de plus en plus compliquée, Olivier, on peut en parler, puisque c'est quelque chose de nouveau, donc j'ai été adhérent à cette demande. Oui, bon, mais c'est un petit peu dans l'exercice de la délégation, parce qu'en étant président, je n'arrivais plus à mener de front tous les thèmes de l'organisation, le sponsoring, l'organisation administrative. Et donc, j'ai simplement délégué à une petite équipe d'adhérents qui ont collecté tout simplement des dons pour pouvoir avoir un peu plus de finances et être un peu plus à l'aise pour organiser tout c'est simplement. Quoi c'est quoi qui pêche alors puisque là on y va carrément dedans quoi pour collecter ces fonds vont améliorer quoi dans la virade? Eh bien, la qualité des prix, des récompenses, l'organisation du ravitaillement aussi, la qualité du ravitaillement. On prend de tout de A à Z, hein, parce que l'argent est un peu le nerf de la guerre, hein, quelque part. Alors, on revient un petit peu à Jean-Yves. Là, là c'est vrai qu'aujourd'hui, Olivier, juste avant de revenir carrément sur la course, et je crois que tous les organisateurs sont liés un petit peu à ça, on a peur que ça devienne de la championnite, puisque en mettant des gros lots, on fait venir des gens qui ont un palmarès important et qui vont courir pour le gain, pour l'appât du gain. C'est peut-être le défaut aussi de toutes les courses aujourd'hui. Alors j'y mettrai un bémol, l'appât du gain, je rejoins ton approche, mais je reste, comment dirais-je, sous forme de cadeaux, hein. Ce sont des récompenses en vain, mais il est hors de question pour moi d'y mettre des primes. Voilà, Didier peut-être. Après, on sait tous hein, que si tu veux attirer un large public dans ce genre de manifestation, il te faut automatiquement avoir quelques têtes d'affiche. Tous les organisateurs le font. Hein. On communique sur une ou deux têtes d'affiche. Tu parlais de Mounir tout à l'heure, mais effectivement, il faut pouvoir appâter ces gens-là. Alors, Des gens comme Mounir ne viendront pas juste pour deux bouteilles de vin, à la limite, ils s'en foutent, mais quelque part, c'est la direction que ça risque de prendre au détriment un peu de tout le reste. Et c'est peut-être là l'écueil à éviter. Oui, c'est bien, c'est bien ça. De vouloir justement attirer trop de bons coureurs au risque de perdre un peu l'image de course de masse. Allez, on passe à la pub et on revient sur ce sujet.